Il avait frappé aux portes de la démocratie, s'offrant à le servir de sa plume, de sa parole, de ses démarches. Partout, on l'avait repoussé. On se méfiait de lui. Il avait vendu sa montre, sa bibliothèque, son linge. Mieux vaudrait crever sous les pontons de Belle-Île avec Sénécal. Frédéric, qui arrangeait alors sa cravate, n'eut pas l'air très ému par cette nouvelle. « Ah, il est déporté, ce bon Sénécal ?» Deslauriers répliqua, en parcourant les murailles d'un air envieux. « Tout le monde n'a pas ta chance. »« Excuse-moi, » dit Frédéric, sans remarquer l'allusion, « mais je dîne en ville. On va te faire à manger. Commande ce que tu voudras. Prends même mon lit. » Devant une cordialité si complète, l'amertume de Deslauriers disparut. « Ton lit? Mais ça te gênerait. »« Eh non, j'en ai d'autres. »« Ah, très bien, » reprit l'avocat en riant. « Où dînes-tu donc ?»« Chez Madame d'Ambroise. »« Est-ce que, par hasard, ce serait... » « Tu es trop curieux, » dit Frédéric avec un sourire qui confirmait cette supposition. Puis, ayant regardé la pendule, il se rassit. « C'est comme ça, il ne faut pas désespérer, vieux défenseur du peuple. »« Miséricorde, que d'autres s'en mêlent. » L'avocat détestait les ouvriers pour en avoir souffert dans sa province, un pays de houille. Chaque puits d'extraction avait nommé un gouvernement provisoire, lui intimant des ordres.